La résurrection de Jésus-Christ est au cœur du plan de Dieu pour sauver l'humanité. En l'éliminant, plus rien n'a de sens. Bonjour, les ministères En Contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement biblique de Charles Stanley. Jésus-Christ a joué un rôle clé dans le plan du salut de Dieu le Père. Bien que toutes les étapes de son ministère terrestre aient été importantes, qu'il s'agisse de sa naissance, de sa vie, de son ministère, de sa mort ou de sa mise au tombeau, elles sont toutes éclipsées par la dernière, soit sa résurrection. Car c'est seulement quand nous étudions la vie de Jésus-Christ selon la perspective de sa résurrection que nous pouvons comprendre l'effet déterminant du mot « éternité ». Le titre de l'émission d'aujourd'hui, « L'admission de la résurrection », contient un double sens. Pourquoi? Car c'est en admettant la réalité de la résurrection que le croyant obtient son admission au ciel pour l'éternité. Voici l'enseignement biblique de Charles Stanley. Aujourd'hui, nous parlerons des conséquences de l'admission de la résurrection, décrite dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 20 à 28. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme prémice, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, les pieds de Jésus-Christ. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Nous avons vu que, lorsqu'on refuse d'accepter la réalité de la résurrection de Jésus-Christ, on s'expose à 6 conséquences néfastes. Si Christ n'est pas vivant, alors il n'existe pas de parole vivante, il n'y a pas de foi vivante, ni de joie vivante, ni de liberté vivante, et encore moins d'espérance vivante. Quand nous faisons la somme de ces conséquences, il y a lieu de se demander si, dans ces conditions, la vie vaut la peine d'être vécue. Mais nous avons suffisamment parlé du côté sombre de l'existence humaine. Nous allons maintenant nous pencher sur une alternative beaucoup plus réjouissante. Quels sont, pour le croyant, les avantages d'admettre la réalité de la résurrection de Jésus-Christ? Relisons notre premier verset de 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Commençons par définir un mot devenu inhabituel pour la plupart des gens, prémices. Simplement dit, les prémices sont les premiers fruits, les premiers résultats d'une récolte. À l'époque de l'Ancien Testament, l'utilisation de ces prémices est rigoureusement prescrite dans Lévitique chapitre 23, verset 10. « Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, « Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. » Les cultivateurs israélites devaient recueillir la première partie de la moisson qui mûrissait, l'attacher en gerbe et l'apporter au prêtre. Cette action reflétait la dépendance de l'homme envers Dieu et sa confiance en lui. Par ce geste, il signifiait à Dieu qu'il savait que le reste de la moisson serait récolté avec abondance. Le prêtre, en tant que représentant de Dieu, recevait la première partie de la récolte. Voyons maintenant pourquoi l'apôtre Paul s'est inspiré de cette ordonnance ancienne pour nous expliquer la résurrection. Verset 20. « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. » Cela veut dire « tout comme la première partie de la récolte est apportée et présentée au prêtre comme gage de confiance envers Dieu, Jésus-Christ a été ressuscité des morts et il a été présenté à Dieu le Père. Cet événement signifie que le croyant sait qu'il fera lui-même partie de la récolte des ressuscités à venir. Dans l'Ancien Testament, le cultivateur ne pouvait pas recueillir le reste de la récolte avant d'avoir apporté ses prémices au prêtre. Dans le Nouveau Testament, le concept de prémices est utilisé dans la résurrection pour indiquer que, si Jésus-Christ n'est pas ressuscité des morts, personne d'autre ne pourra ressusciter. Or, puisque Jésus est bien ressuscité, il constitue la preuve que l'offrande de sa vie apportée devant Dieu a été acceptée par ce dernier. Tout comme les prémices de l'Ancien Testament, lorsqu'ils étaient acceptés par le prêtre, constituaient une promesse de bénédiction de Dieu pour le reste de la récolte, la résurrection de Jésus-Christ constitue une promesse d'espoir de Dieu. Celui ou celle qui croit en sa résurrection sera à son tour ressuscité par Dieu. Notre confiance d'être ressuscité un jour repose sur le fait que Jésus-Christ a d'abord été ressuscité. Maintenant, que devons-nous comprendre par l'affirmation suivante? Jésus-Christ est les prémices de ceux qui sont morts. Doit-on comprendre que Jésus-Christ est la seule personne, ou même la première personne, à être ressuscité des morts? Bien sûr que non. Car avant cet événement, la Bible mentionne que cet exploit avait été réussi auparavant. Dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 4, Élisée ressuscite un jeune homme, et dans le Nouveau Testament, Jésus lui-même prouve sa suprématie sur la mort en ressuscitant plusieurs personnes, la fille de Jaïrus, le fils de la veuve et enfin son ami Lazare. Or, voici où se situe la différence. Jésus-Christ est la seule personne à ressusciter définitivement. C'est-à-dire qu'après sa résurrection, il n'est pas mort une seconde fois comme les autres. Sa victoire sur la mort était totale et définitive. Il a complètement dépouillé la mort de son pouvoir. Il l'a vaincu en se sortant lui-même du tombeau. En ce sens, il est effectivement les prémices de ceux qui sont morts. Plusieurs religions du monde prétendent qu'il existe un état transitoire entre la mort et le paradis. Or, la Bible enseigne que le croyant ne peut se trouver qu'à deux endroits, comme le rapporte 2 Corinthiens chapitre 5, versets 7 et 8. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Le croyant se trouve soit dans son corps sur cette terre, soit auprès du Seigneur, après avoir accompli sa mission sur terre. L'apôtre Paul utilise donc les prémices de la moisson comme une image pour nous aider à comprendre la résurrection. Les prémices doivent arriver avant le reste de la récolte. Il est alors essentiel que Jésus-Christ ressuscite avant que les enfants de Dieu soient aussi ressuscités. On ne peut partager que ce qu'on possède, et Jésus-Christ, avant de partager avec les croyants la puissance de la résurrection, devait nous démontrer sa puissance en ressuscitant lui-même. Continuons notre lecture du 15e chapitre de la première épître aux Corinthiens au verset 21. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Nous devons d'abord identifier cet homme par lequel la mort est venue. Il s'agit du premier homme, Adam. En désobéissant à Dieu, il a soumis toute sa descendance, c'est-à-dire toute l'humanité, à l'esclavage de la mort. Car la mort ne faisait pas partie du plan originel de Dieu pour l'humanité. Or, les conséquences désastreuses de cette désobéissance ont été annulées par le sacrifice de celui qu'on appelle parfois le second Adam, Jésus-Christ. Relisons notre verset avec cette information. Lisons les versets 21 et 22. « Car puisque la mort est venue par un homme, c'est-à-dire Adam, c'est aussi par un homme, Jésus, qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. » Si Jésus-Christ est le Fils de Dieu, s'il a été crucifié et s'il est ressuscité, toutes les conditions nous permettant d'espérer en notre propre résurrection sont réunies. Dieu a tenu sa promesse avec le premier Adam. Ce dernier avait été prévenu que la mort serait la conséquence de sa désobéissance. Et toute sa descendance doit en assumer les conséquences. En Adam, nous sommes perdus et sans espoir devant la mort. Cependant, en Christ, nous serons ressuscités. Mais attention, si tout homme et toute femme nés sur cette terre sont de ce fait en Adam, seuls ceux et celles qui croient personnellement en Jésus-Christ peuvent devenir en Christ et revivre. Pour bien comprendre la signification de ce passage, nous pouvons jeter un coup d'œil sur une autre épître de l'apôtre Paul, celle destinée aux Romains au chapitre 5. L'apôtre y explique qu'au commencement, Dieu a créé l'humanité avec les premiers parents, Adam et Ève. Adam n'avait pas encore péché, et il n'était donc ni sauvé ni perdu. Il vivait dans un état de parfaite innocence. Mais sa décision de pécher a entraîné les conséquences suivantes, décrites dans Romains chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. C'est par Adam que la mort a obtenu l'accès dans ce monde, et qu'elle s'est ensuite répandue sur tous les hommes. Romains chapitre 5, verset 17 et 18. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Ceux qui acceptent de recevoir l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront dans la vie, grâce à Jésus-Christ et lui seul. Verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification, qui donne la vie, s'étend à tous les hommes. Ceux qui prennent le Dieu Tout-Puissant pour un vieux Père Noël, un peu bonasse, feraient bien de considérer attentivement ce verset. Dieu ne plaisante pas avec le péché. À cause d'un seul péché, commis par un seul homme, toute l'humanité doit faire face à la mort. Le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme, et la mort, sa conséquence, s'est ensuite étendue sur tous les hommes. À cause de la désobéissance d'Adam, le péché est entré dans le monde. La mort est le résultat de ce péché qui a condamné toute l'humanité. La mort s'est étendue à toute l'humanité. Elle règne sur toute l'humanité, car toute l'humanité a été condamnée par le péché d'Adam. Par défaut, nous naissons tous en Adam. Nous vivons dans le péché, sous son contrôle et sa domination. Nous sommes destinés à subir la juste conséquence de notre état pécheur, la mort. La seule façon d'échapper à ce triste sort est de devenir en Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul affirme que le croyant est justifié, c'est-à-dire rendu juste en Jésus-Christ. Tout homme et toute femme se trouve donc soit en Adam, soit en Jésus-Christ. Toute personne qui se trouve en Adam est encore perdue. Cependant, toute personne ayant reçu personnellement le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur a maintenant droit à la vie éternelle de Dieu. Ce ne sont donc pas notre comportement et nos bonnes actions qui nous accordent l'admission au ciel, mais une relation personnelle avec Jésus-Christ, où la vie éternelle du Dieu Tout-Puissant devient notre vie. Reprenons maintenant la lecture de notre passage au verset 21. Il y est clairement indiqué que la clé de la vie éternelle se trouve dans notre position en Jésus-Christ. Lisons 1 Corinthiens chapitre 15, versets 21 à 23. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est-à-dire Adam, c'est aussi par un homme, Jésus, qu'est venue la résurrection des morts. Et, comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Ce passage sert à déterminer notre position spirituelle. Si nous sommes en Adam, nous mourrons, mais si nous sommes en Christ, nous revivrons. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ sont placés en lui. Ils auront ainsi la vie éternelle. Cette vie éternelle dépend donc de notre position spirituelle et de notre relation avec Jésus-Christ, et non pas de nos actions bonnes ou mauvaises. Deuxièmement, nous ne partagerons pas seulement la résurrection de Jésus-Christ, mais nous partagerons également son retour. Regardons le verset 23. « Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. » Les corps de ceux qui appartiennent à Jésus-Christ seront ressuscités à son retour. Ceux qui sont morts en lui reviendront avec lui dans des corps glorifiés. Troisièmement, En plus de sa résurrection et de son retour, nous partagerons également son règne. Continuons notre lecture au verset 24 jusqu'au verset 26. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'ils aient mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Que veut dire l'apôtre Paul par « ensuite viendra la fin » ? Il ne s'agit pas de la fin des temps. Dans le texte grec original, le mot « telos » peut également se traduire par « accomplissement ». Nous devons comprendre ce verset dans ce sens. L'accomplissement du plan de Dieu, élaboré avant la fondation du monde, se fera quand Jésus-Christ remettra le royaume à Dieu le Père, après avoir réduit à l'impuissance tout ce qui s'opposait à ce plan. Il ne s'agit donc pas de la fin des temps, car beaucoup de choses se produiront après cela. Nous atteindrons un point crucial dans l'histoire de l'humanité où le Seigneur Jésus-Christ accomplira entièrement l'œuvre pour laquelle il a été envoyé par le Père. Sa mort sur la croix et sa résurrection faisaient partie de cette œuvre, mais son œuvre principale est d'apporter le royaume de Dieu à son Père. Jésus-Christ présentera alors à son Père une Église, un royaume sans tache et sans défaut, car nous, croyants et croyantes, appartenons au royaume du Dieu vivant. La Bible affirme que nous avons été revêtus de la justice de Jésus-Christ. Nous faisons partie intégrante du royaume, incommensurable, incomparable et indescriptible de Dieu sous l'autorité du Christ. Et Jésus reviendra un jour chercher son Église. Viendra ensuite un temps de tribulation. Ensuite, Jésus reviendra pour juger et pour instituer un règne de 1000 ans, sous sa merveilleuse autorité. Après cela viendra le jugement ultime, et ensuite l'éternité. Comparé à cette gloire à venir, nos petits problèmes actuels, nos peines et nos fardeaux paraissent bien peu de choses. Or, si nous oublions qui nous sommes, où nous sommes, ce que nous faisons et où nous allons, les désagréments de la vie peuvent prendre des proportions démesurées. Qui sommes-nous? Les saints du Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ. Où allons-nous? Au ciel. Que faisons-nous ici-bas? Nous reflétons la vie de Jésus-Christ. Quelle est notre raison d'être? Ressembler à Jésus-Christ. Cela n'a rien à voir avec Charles Stanley ou tout autre homme. Tout est centré sur Jésus-Christ et tout est élevé à Jésus-Christ. Et quand nous apprenons à percevoir notre vie selon la perspective de Dieu, nous cessons de parler et d'être absorbés par les petites choses, et nous nous concentrons sur les choses gigantesques de Dieu. Relisons 1 Corinthiens chapitre 15, verset 25. « Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. » Le dernier ennemi à être vaincu sera la mort. Et comment pouvons-nous être certains que Jésus-Christ est plus fort que la mort? Parce qu'il est ressuscité des morts. En faisant cela, il a dépouillé la mort de son pouvoir. La mort n'a pas pu le retenir dans sa tombe. Et la Bible affirme qu'un jour, cette victoire sur la mort sera établie et la mort sera complètement annihilée. Elle sera abolie et annulée à jamais. Quand Jésus-Christ est venu marcher parmi nous dans ce monde, il est venu réparer les dégâts causés par la désobéissance d'Adam. Car Dieu savait que l'homme allait désobéir et il avait prévu un sauveur avant même de créer le monde. C'est Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, immolé avant la fondation du monde. Dieu avait tout prévu. Je suis convaincu que Dieu avait non seulement prévu, mais aussi planifié la chute de l'homme pour révéler son indescriptible et surnaturelle grâce à l'humanité. Que serions-nous de la grâce de Dieu, de son amour inconditionnel et de son pardon si l'homme n'avait jamais péché? Dieu a démontré la plus merveilleuse expression de son amour en faisant grâce aux pécheurs, en nous pardonnant, en nous purifiant et en nous rendant semblables à son Fils Jésus-Christ. La Bible affirme que, en Adam, le péché est entré dans le monde, s'y est répandu, a régné sur le monde et a condamné le monde. Et dans ces conditions, si Jésus-Christ n'était pas ressuscité des morts, le royaume originel de Dieu, la création originelle de Dieu, et le plan originel pur et sans tache aurait été compromis et perdu à jamais. Dieu aurait perdu la bataille et Satan aurait été le vainqueur. Nous devons nous rendre compte que Jésus-Christ n'est pas seulement venu marcher avec nous dans le monde pour racheter l'humanité, mais aussi pour redonner au royaume de Dieu sa position originelle. Le royaume de Dieu ne pouvait être restauré que si Jésus-Christ accomplissait sur la croix son sacrifice de substitution en notre faveur, que s'il ressuscitait, que s'il vivait en nous par son Saint-Esprit, en assujettissant tous ses ennemis à son pouvoir et en détruisant tout ce qui est mauvais sur cette terre. Et un jour, en un moment béni de la plus intense perfection, il mettra fin au royaume de ce monde et détruira tout mal, toute méchanceté, afin de présenter au Dieu Tout-Puissant un royaume de justice et de sainteté, après avoir recouvré ce qui avait été perdu par Adam. Regardons maintenant Philippiens chapitre 2, versets 7 à 11. « Et il, en parlant de Jésus, apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est le Seigneur de la gloire de Dieu. Même ceux et celles qui, de leur vivant, auront rejeté et persécuté Jésus-Christ, devront se courber dans une expression d'une humble soumission en reconnaissant que Jésus-Christ est le Seigneur, le Maître et le Juge de toute l'humanité. Mais si Jésus n'est pas ressuscité des morts, qui redonnera au royaume de Dieu sa gloire originelle? Personne. Jésus-Christ, le Fils de Dieu uniquement engendré, est venu dans ce monde pour sauver l'humanité, et son but ultime est de présenter au Père éternel un royaume parfait et sans tache. Et je dois vous poser une question toute simple. Avez-vous la certitude d'appartenir au royaume de Dieu en ce moment? Car il n'existe que deux royaumes spirituels. Si vous ne faites pas partie du royaume de Dieu, vous êtes dans le royaume de Satan. Ces deux royaumes se sont engagés dans un mortel combat. Toute personne ayant mis sa confiance dans le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur est dans le royaume de Dieu. Et bien que plusieurs de ceux-ci pourraient perdre leur vie dans la bataille, ils ne perdront jamais la vie éternelle, qui est leur vraie vie. Et je vous pose encore cette question si importante. Avez-vous déjà pris la décision de venir à Jésus-Christ, en reconnaissant votre état de péché et en admettant que le péché régnait sur vous? Avez-vous, dans votre état déchu et désespéré, imploré la pitié de Jésus-Christ? Lui avez-vous demandé de vous sauver? Et avez-vous eu confiance qu'il le ferait si vous le lui demandiez? Car au moment même où vous avez agi ainsi, il vous a pris du royaume des ténèbres et il vous a transporté au royaume de la lumière. Vous n'êtes plus en Adam, mais vous êtes maintenant en Jésus-Christ. Il a écrit votre nom dans le livre de vie de l'agneau. Et vous faites maintenant partie du royaume de Dieu qui sera un jour présenté au Père éternel que nous adorons chaque jour. La résurrection de Jésus-Christ est la pièce maîtresse du plan de Dieu. Sans elle, tout ce que Dieu avait conçu avant même la fondation du monde s'écroulerait. Et si Jésus-Christ est ressuscité des morts, nous ressusciterons nous aussi. Le royaume de Dieu sera restauré, et Dieu le rendra son état de pureté originelle, celui qui serait encore le sien si l'homme n'avait pas péché. Oui, remercions Dieu pour ce don ineffable, le don de la vie éternelle, en la personne de son Fils bien-aimé, la personne de Jésus-Christ. Il est toujours rafraîchissant d'entendre les merveilles à venir contenues dans les promesses de Dieu. En ce qui me concerne, je vis dès maintenant un tel bonheur avec mon bien-aimé Sauveur et Seigneur que les bénédictions à venir n'occupent pas particulièrement mes pensées, même s'il est agréable de penser que le meilleur reste encore à venir. À quoi puis-je comparer ma relation avec mon Dieu, sinon à une merveilleuse histoire d'amour? Si on se sent exalté de se savoir aimé et de se sentir aimé par un autre être humain, à combien plus forte raison le fait d'être aimé par le Dieu Tout-Puissant est-il une intarissable source de joie? Dans cette émission, Charles Stanley nous a présenté plusieurs aspects de l'intention originelle de Dieu pour l'humanité avant la chute d'Adam. Et puisque nous parlons d'amour, nous pouvons nous demander comment Dieu avait envisagé l'amour humain avant que le péché ne fasse sa brutale irruption dans le monde. Regardons pour cela Genèse au chapitre 2, versets 23 et 24. « Et l'homme dit, « Voici sept fois celle qui est eau de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Nous pouvons dégager de ce passage trois étapes qui régissaient d'ailleurs les relations prémaritales dans l'Ancien Testament. Premièrement, l'homme déclarait publiquement que l'élu de son cœur n'était, à ses yeux, semblable à nul autre. Deuxièmement, les deux apprenaient à se connaître et à s'attacher l'un à l'autre. Et troisièmement, le mariage était consommé dans une union physique. L'Église de Dieu, appelée à devenir l'épouse de Christ, vit présentement les deux premières étapes de cette relation avec son fiancé. Jésus a déjà déclaré à la face de l'univers que, comme croyant, j'étais désormais sous sa protection. Satan ne peut me nuire que dans la mesure où je lui donne accès à ma vie. Deuxièmement, j'apprends à connaître le merveilleux caractère de mon Sauveur et Seigneur et je veux lui ressembler davantage de jour en jour. Que peut-on désirer de plus que de se sentir aimé parfaitement en sachant que cet amour n'aura pas de fin? Mais, pour les insatisfaits, je laisse ces versets tirés d'Apocalypse, chapitre 21, versets 2 et 3. « Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple » et Dieu lui-même sera avec eux. L'émission d'aujourd'hui vous a plu? Vous aimeriez en savoir plus? Aujourd'hui, l'Espoir offre aux assoiffés de la source de vie qui est en Jésus-Christ une occasion unique de parfaire leur connaissance de la Bible. Vous pourrez suivre ces cours sans avoir à vous déplacer dans le confort de votre foyer. Téléphonez-nous au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou allez sur notre site Internet www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en Contact et une production de Radio Espoir.